française à l'école, ce que je veux faire dans la vie. Tous ces livres qui m'assomment me trouveront-ils une place dont je n'ai pas envie? Et dis, maman, j'ai l'impression qu'on m'éloigne de mes rêves d'enfant, qu'on m'écarte tous les jours un peu plus. Buffir, maman, mais je suis si bien dans ma cour, on fabrique des cabanes pour mieux voir le jour. De temps en temps, on se fait une marraine et j'arrive à toucher le ciel. Mais je ne corresponds pas à vos schémas de pantin de bois. Je fais partie des étoiles, celles qui filent et mettent les voiles. Je m'y accommode, j'y vois défiler des billets, des baisers dénudés et des morts peu commodes. Avec les gars, ces derniers temps, y a une ambiance de pacotille. Au premier cours à l'exclusivité, à celui qui a le plus de billes. Le vent tourne dans le mauvais sens, on grandit désormais à une autre cadence. Restons en bande et suivons ce blaire. J'étouffe de ne plus avoir d'air. Mais je ne corresponds pas à vos schémas de pantin bois. Je fais partie des oiseaux, ceux qui volent au-dessus des eaux. Cette année, l'économie de marché, un véritable merdier. L'argent nous poursuit tout le temps, dans les récrés, dans les salles des lycées. À quoi riment ces heures passées devant les formules de Galilée? Moi, monsieur le professeur, je voudrais apprendre à manger sans acheter. Car j'étais si bien près de l'étang, on pêchait et cueillait sans se soucier du temps. Souvent j'allais près de la mer et je croyais en mes chimères. Mais je ne corresponds pas à vos schémas.